spécial. N'oubliez surtout pas d'écouter Coé sur Énergie de 17h à 20h. C'est mieux que de replier sa quechua pendant 3h. Une bande de ouf, enfermés dans un studio, vont te faire oublier que t'as eu une journée pourrie. C'est Coé, c'est le Bifor. 17h-18h sur Énergie. Merci d'être avec nous tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous avez passé une bonne journée? Oui, oui. Moi aussi. Oh, non. Bonne journée, je me sens bien. Tu vas nous écœurer avant. Mais non, je vais pas vous écœurer, oh ça va. Toute la journée. Ça va, ça me fait plaisir. J'espère que tout va bien chez vous à la maison aujourd'hui. Qui sera notre invité, Madame Stouff? Bibi Rixa. Oui. Un petit peu plus tôt que d'habitude, à 18h05, elle sera avec nous pour le début de l'émission en public. Vous la connaissez obligatoirement. D'abord, c'est une star aux États-Unis. Elle est albanaise, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et c'est elle qui a participé au titre de David Guetta. Oui. Et j'ai une autre bonne nouvelle. C'est quoi? Une autre bonne nouvelle. Ils seront nos invités la semaine prochaine pour fêter la sortie de leur album. Je suis très content. Il y aura Big Flo et Oli qui seront nos invités la semaine prochaine. Assez dommage, c'était la dernière fois. Oh non, non, non, non, non. Les gars, qu'est-ce que c'est que ce pessimisme? Enfin bon. Sont négatifs. Moi, j'aime pas que vous disiez des choses comme ça, je le prends mal. C'est pas grave. Si. Big Flo et Oli seront donc nos invités. Plein de choses au programme dans l'émission aujourd'hui. Nous parlerons de la journée mondiale de la télé. C'est aujourd'hui, ouais. C'est aujourd'hui. Les champions du monde de l'actu, évidemment. Je vous parlerai du bide de Laurine Hill d'hier, qui a été une catastrophe. Vous aurez les sons, vous aurez la totale, puisqu'elle est arrivée avec plus de 2 heures de retard. 2h30. Ah, vraiment, c'était génial. Quelle ambiance. Je sais pas ce qu'ils chantent, mais ils sont pas contents. En tout cas, donc on en parlera d'ici quelques minutes. Nous parlerons également d'un pigeon un peu chelou. Paris Hilton est à nouveau libre. Oh là là, je savais même pas qu'elle était prise, moi. Vous savez, c'est comme Paris Hilton, c'est comme les chambres d'hôtel. Des fois, il y a marqué occupé, mais il faut vérifier quand même à la réception. Faut toquer à l'entrée. Oui, parce que des fois, peut-être des chambres doubles. Bon, en tout cas, il y aura le zap télé de Nico. De quoi nous parlerons? On apprendra un nouveau mot avec les anges, enfin surtout eux. Oui, évidemment. Un jour, un mot. Nous aurons le classement, écoutez-moi bien, des nationalités les plus infidèles dans le monde. Classement que je vous donnerai tout à l'heure, nous aurons des infos scientifiques, 8 exactement, 8 infos scientifiques rassurantes sur le sexe. Parce que des fois, je vois qu'on parle du sexe, on dit oui, attention, se protéger, etc. Et oui, il faut se protéger, tout ça c'est sûr, mais il y a aussi des bonnes choses dans le sexe. Je vous donnerai tout ça tout à l'heure. Le hashtag du jour, place gilet dans une chanson, puisque tout à l'heure, après, aux alentours de 18h30, nous donnerons la parole, comme d'habitude, comme tous les jours, aux gilets jaunes, ceux qui en ont marre, ceux qui continuent, ceux qui durcissent le ton, 0870 42 48, venez vous exprimer. Et nous, nous allons faire une spéciale, on va prendre tous vos messages. Et on fera les chansons en live tout à l'heure. Hashtag place gilet dans une chanson. Faites-vous plaisir. Nous aurons tout à l'heure, puisqu'on apprend que les ménages en France ont perdu 440 euros de revenus par an entre 2008 et 2016. Il y aura donc la compile du pouvoir d'achat. Match de l'équipe de France hier avec Didier Deschamps, que nous aurons au téléphone, puisqu'il est en vacances. C'est le dernier match de l'équipe de France de l'année. C'est le dernier, Bon, Didou, il est en vacances, on l'aura tout à l'heure. Il y aura Bibi Rixa et 10 000 euros. Si vous voulez gagner les 10 000 euros, 7, 10, 12 par SMS, mettez Coé au début de votre message. Je vous appelle dans un instant. J'ai une enveloppe à 500, une à 1000, une à 5000. Une à 10 000 euros, une à 100, une à 5, celle-là, je ne veux pas la voir. Donc en tout cas, 7, 10, 12, mettez Coé devant, mais je commencerai par un son exclusif. Je voudrais démarrer par Jean Lassalle. Ah. Jean Lassalle, l'homme qui sent décodeur, soyons très honnêtes, à part certains membres de la famille et les gens du village, c'est un peu difficile, Jean Lassalle. Ah oui. C'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui a une forte personnalité, tellement forte qu'il a décidé de porter son gilet jaune à l'Assemblée nationale. Ah bah. Écoutez bien, le président n'est pas content. Je vous rappelle au règlement, Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, Monsieur Lassalle, ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Mais retirez, il ne le retire pas, s'il vous plaît, ce gilet. Il n'a pas bougé. Il ne le retire pas. Il y a des mecs qui viennent le voir et tout, et il bouge pas. Il bouge pas. Monsieur Lassalle. Il bouge pas. Oh le bordel. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. C'est une cour d'école, s'il vous plaît. Et là, tu sens. Là, il se retourne, il fait qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Et là, il va reprendre la parole. On fait quoi? On fait ça? D'accord. Bon. La séance est suspendue. Voilà. Alors, il faut tendre l'oreille. Vous l'avez pas entendu, puisque Jean Lassalle est loin, il n'y a pas de micro, mais Jean Lassalle lui répond au président. Ah ouais, je vous rappelle au règlement. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, Monsieur Lassalle, ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Mesdames, Messieurs, le gilet, il est pas du droit de voir. Monsieur Lassalle. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. S'il vous plaît. Non, la place est louée, je la garde. Je la garde. C'est mon fauteuil, c'est mon fauteuil. Monsieur, s'il vous plaît. La séance est suspendue. Il est d'accord. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Présentation de l'équipe. Ah, ça va tout le monde? Oui. Laissez-moi vous dire un petit bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, je vous le disais, de la télé. Notre réalisateur sera parfait dans un télé-shopping. Dans ses émissions, ils ont toujours de super matos, mais ils savent jamais s'en servir, comme mon Bichette. Bienvenue, Bichette. Salut. Lui est passionné de télé, d'ailleurs, le Zap Télé, c'est dans un instant. Il compte d'ailleurs ouvrir sa propre chaîne qui s'appelle Célibat Cat Game, la chaîne des célibataires qui vivent avec des chats et une PS4. C'est précis, ça peut cartonner, c'est une niche, comme on dit dans le métier. C'est mon Miko qui est là. Bonsoir. Elle ne regarde que la chaîne numéro 23 pour les matchs de catch. Ça lui donne des idées pour gérer les conflits avec les stagiaires. C'est Mastouf. Bienvenue, Mastouf. Bravo. Lui ne regarde plus la télé depuis la fermeture de Cuisine Télé. Ça lui a brisé le cœur. Ouais. Il pleure devant Top Chef. C'est trop dur de rater une maillot. C'est mon Jeff. Et enfin, il adore la télé. Il regarde des chaînes thématiques intelligentes. Oui, Bordas, c'est je te flatte là. Non. Comme Gulli ou Cartoon Network. Des trucs qu'il peut comprendre. Et encore, des fois, il lui faut une explication et un tuto. C'est mon Bordas. Bienvenue tout le monde. Merci de nous avoir choisis. J'espère que vous passez un bon moment. Il y aura Jérémy Frérot dans un instant, DJ Snake, Imagine Dragons. Et on revient sur l'affaire dans quelques secondes de Laurie Neal. Oui, oula, absolument. Ah, c'est pas bien. Et même des moments de gênance pour ceux qui faisaient la première partie. Prince Karma, merci d'être avec nous. Vite, 10 000 euros à gagner. SMS 7-10-12. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Tiens, que tout à l'heure on s'écoutera un titre de Jay-Z. Oh yes! C'est bon ça, non? Énorme. Je vous assure que pendant qu'on va le mettre dans l'émission, je vais me tourner vers la Tour Eiffel. Ça n'a aucun rapport, mais j'ai pas l'empire cette building. Bah vous chanterez à Paris! À Bordeaux! Et tous les gens de toute la France, à Marseille! À Lyon! On a la statue de la liberté à Paris. Oh, c'est vrai, elle est toute petite, on peut pas monter dedans, mais bon, sinon ça va. Ouais. Voici les champions du monde de l'actu.

Mais comme Jean Lassalle. Le gilet, madame Alexa. Madame Alexa. Madame Bibi Alexa, le gilet jaune. Madame, on le met le gilet jaune, madame Bibi Alexa. Nous donnerons la parole au gilet jaune tout à l'heure. Vous continuez le combat, vous voulez le durcir, vous en avez assez, vous avez arrêté, vous comprenez, vous ne comprenez pas. 0870 42 48, vous savez que tous les jours, on vous laisse dire absolument ce que vous voulez. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut dans cette émission. Ouais. Oui. Et oui, c'est pour ça que vous êtes nombreux à nous écouter. Le hashtag du jour, c'est quoi ? Place gilet dans une chanson. Attends, pourquoi t'as dit oui enfin ? Oui, enfin, tout ce qu'on veut dans la limite du raisonnable aussi, quand même. Ah bah oui, voilà. Bah oui, évidemment, bien sûr. Donc Bordas, t'as coupé Bordas pour ça ? Oui, je tout à fait. Bien, bien. Bordas. T'en veux un petit ? Vite, oui, place. T'en veux un petit ? Oh, ouais, tu m'en sers un petit. T'as un godet ? Ça que te veut, tu veux un godet ? Hein, je bois un petit godet, puis on y va. Non, y a, vite. Ouais, Farah qui a repris Slimane, qui nous dit « Panam, on arrive, moi ma gueule et mon gilet jaune. » Très bien, place gilet dans une chanson, c'est le hashtag du jour, je veux le voir. Numéro 1 TT France, c'est bien, on continue. On a Marie qui nous dit gilet libre, max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu. Pardon, tu connais la chanson de base ou pas ? Je la connais pas. Non, repars en stage à Nostalgie. Si c'est étages en dessous, on se reparle plus tard. Qui chante ? Maxime Lefort. ouais, bien sûr. Ouais. Hervé Christiani, si je dis pas de bêtises. Oui, attention, ça. Voici le classement des pays les plus infidèles dans le monde. Je vais du moins infidèle au plus infidèle. Okay. Et c'est moche l'infidélité. Oh, c'est pas bon. C'est caca l'infidélité. En plus, faut trouver des prétextes à chaque fois. J'étais repris au bureau, c'est pas ma faute, j'ai crevé et tout. Oh non. Oh, c'est trop compliqué, ça tue la vie. 10e, les Finlandais. 36% des Finlandaises et des Finlandais trompent leur conjoint. 9e, les Anglais à 37%. 8e, les Espagnols à 39%. 7e, les Belges. Le Belge ? Bah oui, dit. Eh ben. On sort vite fait, on se prend un godet, puis on y va. Hein. C'est rapide, ma femme, elle sera pas, dit. 6e, les Norvégiens, 41%. Ça, il y a des raisons climatiques, c'est pour se tenir chaud. Okay. 5e, les Français. Tada ! 43% oh là là. Des Français sont infidèles. On est là ! Ah, je change de musique. C'est mieux qu'au tennis, hein. Pour une fois qu'on est pas mal placé dernier, ça va. Dans un classement. Ah oui, on est pas mal. Je continue mon classement, excusez-moi. 4e, les Allemands, 45%. 3e, les Italiens, 45%. Ah oui, oui. Sont infidèles. 2e, allez, essayez de me donner les pays. 2e. Italien. Non, danois. Je l'ai dit juste avant italien. Non, brésilien. Mais énergie dans ton casque. Et premier, d'après vous, donnez-moi chacun un pays qui, d'après vous, est le pays le plus infidèle au monde. Les Brésil. Non. Les Brésiliens. Oui, t'as raison, ça pourrait être ça. Le Pérou ? Non. La couleur est sympa, mais non. Le Maroc. Ils ont des taches de libanais. Non. La Grèce. Non, l'infidélité au Maroc. Non, c'est pas trop de mise. Non, la Grèce. Non, ça pourrait, mais non. Les Américains. Non, eh bien non, vous l'avez pas trouvé. Les Thaïlandais, les amis. Ah bon ? Les Thaïlandais sont les mecs les plus infidèles au monde. C'est fou parce que vous me direz ça, on dirait les Italiens, bah on dirait oui, tout bah ça. Ouais. Les mecs sont là, ah, bah, tiens, tchou, vas-y, ça tchatche et tout. Un Thaïlandais, ça tchatche pas. Bah non. C'est fou, c'est bizarre, même. Ouais, non, on s'attend pas, on s'attend non, pas. Non, c'est vrai, c'est surprenant. Bah, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Mais c'est tout petit, minus. Oui, mais c'est pas la taille qui fait. Bienvenue en tout cas. Merci de nous avoir choisis. Je m'appelle Koé. J'espère que vous êtes heureux. Voici DJ Snake. Et il y a 10 000 euros à gagner dans un instant. Soyez bons. Alors, c'est vrai, c'est pas les plus géants de la Terre. Non. C'est pas des Vikings. Je sais pas. C'est ça que je veux dire. Merci d'être là. 7, 10, 12. Mettez Koé au début du message. Et 10 000. Prende los motores de Kawasaki. En la discota Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it with my piggyback. It's hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me you for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work it keep it tight every day. And I know you need a taste. Now ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Get high in the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, get my talkie talkie gives. Dáleme como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. C'est le moment peut-être de gagner des sous avant Noël. Oui, je sais en prendre l'avance, mais vaut mieux le prendre maintenant. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Est-ce que vous êtes prêts? Vous trouvez la bonne enveloppe? Je le dis, si vous venez nous rejoindre sur Énergie. D'abord, bonjour, bienvenue, vous bonjour. Nous découvrez. Je m'appelle Coé, vous êtes dans le Bifor. Où on rigole de l'actu. On s'amuse comme des petits fous. Oh, qu'est-ce qu'on se perd. Oh, on est des foufous, hein. Sans nous, passe par la tête, il y a des trucs qui viennent, qui ressortent. On sait même pas. Il y a une machine à conneries dedans. Une usine, il n'y a pas en grève, hein. Pas de gilets jaunes au rond-point, hein. Ça tourne, hein, je te le dis. Donc en tout cas, vous êtes avec nous, 18h, c'est l'émission en public. Comment s'appelle Miko, la demoiselle qui sera là à 18h? Bibi Rexha. Là, c'est le titre avec David Guetta, elle est très jolie, elle sera notre invitée. On commencera l'émission en public avec elle. Mais pour l'instant, Madame Stouff. Oui. Vous avez l'enveloppe? Oui, tout à fait. Monsieur Jeff, vous l'avez? Bien sûr. Vous l'avez tous? Oui. Eh ben, j'appelle quelqu'un, c'est parti. Je fais des mix en même temps. Ouais. Je fais des mix, j'appuie sur des boutons. Je fais tiens, ça c'est quoi? C'est pas ça, touche pas à ça. Allô, Arnaud? Oui. Salut, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment ça va, Arnaud? Oh, ça va super. Ça va bien, est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu es un garçon heureux? Je suis un garçon heureux. Est-ce que tu as une chérie? Oui. Est-ce que tu as un gilet jaune? Je ne l'ai pas mis ce week-end parce que j'étais pas là. Mais sinon, ah, ça, oui. Peut-être que ça allait pas avec ton pantalon. Mais ce week-end, tu le remets ou pas? Je ne sais pas encore. Je rappelle que, dites-vous que si vous n'avez pas le pantalon qui va avec le gilet, ça n'est pas un défilé de mode. Oui, dites-vous oui. Que Desigual a fait bien pire. Donc, rassurez-vous. Voilà. Mettez Desigual sur vos fringues, ça passera tout seul. Arnaud, tu me trouves entre. Eux. Alors, il y a Miko que je te présente. Il y a bonjour. Bordas, il y a Bichette, il y a Jeff, il y a Stouff, il y a moi-même. Trouve l'enveloppe, choisis la personne, gagne jusqu'à 10 000 euros. Bonne chance. Ben, bonjour. Et je vais prendre Jeff. Hey, hey. Magnifique. Ouais. Ce hey pour occuper l'espace. Oh, bien. Bien. Super. C'est bien. Tu mets plus de suspense, t'as un train. Qu'est-ce qui se passe? Non, tu vois, qu'est-ce qui se passe? La cantine ferme ou quoi? Le mec, hey, j'ouvre l'enveloppe. Et voilà, je vous laisse. Non, super. J'ai pas dit longtemps. J'ai juste dit, c'est bien en cette veille de Noël. Combien gagne Arnaud? En cette veille de Noël. Et les enfants, vous avez préparé le sapin et la cheminée? Bah, la dinde surtout. Mettez des cookies pour le Père Noël. C'est ta faute, tu nous as fait faire le sapin en bureau hier. Mettez des cookies, nous sommes le 21 novembre. C'est important. Combien gagne Arnaud? Il gagne 500 euros. Arnaud ? Ouais, est-ce que tu es heureux ? Je suis très heureux. Merci, Coré. Merci, Larry. Mon ami, 500 euros. Bravo, la maison. Tu fais quoi dans la vie, Arnaud ? Je travaille dans les pompes funèbres. D'accord, eh bien tu sais quoi, avec ça, tu peux avoir de très belles poignées en laiton. Si, si, c'est une option. Tu peux avoir l'intérieur cuir et la clim. C'est plus cher. Pourquoi pas ? Ciao, Arnaud, à bientôt. Moi, il a des clients pas chiants. Every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. somebody. Let me see the light within the dark trees, shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth. The truth. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is upon us. I swear, I'm gonna make it. I'm gonna. Merci de nous avoir choisi. Vous ça va, vous êtes en forme? Ouais. Moi aussi. Oh non, on était en train de parler il y a deux minutes avec Arnaud qui a gagné 500 euros, qui nous disait qu'il travaillait dans les pompes funèbres. On embrasse tous ceux qui nous écoutent dans les pompes funèbres, les magasins, les chauffeurs de taxi, les VTC, les gars qui sont sur la route, les gens qui transportent des enfants. Je vous embrasse tous, soyez très prudents, vous dans les magasins aussi. Mais c'est vrai que les pompes funèbres, c'est un métier où le service après-vente est très peu sollicité. Calme, calme, c'est calme. C'est vrai, tu vois chez Darty, ouais, mon grille-pain marche pas. T'as rarement des gens qui reviennent en disant, ouais, dis donc, j'ai mal au dos. J'ai vendu un cercueil, j'ai mis un rembourrage polyester, c'est du duvet, je suis allergique, j'éternue. Je suis claustro. Ouais, j'ai demandé un toit en verre. Que ça. C'est pas comme dans Uber où t'as besoin des 5 étoiles là. C'est très peu ventilé, j'ai pété, j'ai failli mourir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nico, la télévision hier, il y avait quoi? Alors dans l'émission C'est à vous sur France 5, c'était le grand retour de Gad Elmaleh. Et Pierre Lescure, un des chroniqueurs de l'émission, a tenté un compliment concernant la nouvelle pièce de Gad. Sauf que celle-ci n'a pas encore commencé. Ah, j'ai vu la pièce au théâtre de la Madeleine. Mais non. J'ai ri. Attends, laquelle t'as vu? Parce que nous, on n'a pas commencé. Ah bon? Non. Non, non, parce qu'elle m'avait dit de dire un mot gentil sur la pièce. J'ai vu la pièce. Voilà, grillé. Ah oui, oh, écoutez, Pierre Lescure ne sera pas le premier à dire des compliments de choses qu'il n'a pas vues ou de livres qu'il n'a pas lus. Voilà, mais là, passer ma main dans le sac. Passer ma vie à le faire. Alors, France 5 toujours avec un gros fou rire sur le plateau de la quotidienne. Le sani broyeur de mes voisins fait un bruit tel qu'il me réveille la nuit lorsqu'il tire la chasse d'eau. Suis-je en droit de demander à leur propriétaire de le remplacer? Enfin, une question de fond. Dans quel cas? Un trop bel jouissant. Laissez-le se concentrer. Il doit rester mille à la condition. C'est le bruit. Trop bel. Et oui. Oui. Forcément. Trop répété. Répété, répété. Ça a duré 2 minutes 30. C'est pas leur truc, les vannes de le caca. Non, c'est pour nous. Non, laissez-nous le bébé caca, faites la santé. Voilà. Merci ça. Allez, on termine avec Jaja des Anges qui découvre. Qui est Jaja? Jaja, c'est un participant. Ah, d'accord. Exubérant. Oh, et qui là? Jaja, tu connais pas Jaja? Je connais pas Jaja. Oh, Jaja. Ah, mais je connais cette chanson de Kaya Nakada Kamura. Je ne connais pas Jaja. Bon, il découvre les chaises en osier. Nous, on devait couper la paille et lui de faire un tabouret. Ah non, c'est l'osier, ouais. Il nous explique qu'ils ont dû construire des chaises en osier. Moi, osier, je pensais que c'était le prénom du patron. Bah, en fait, non. L'osier, c'est une matière où on fait des tresses et ça fait des meubles. Je trouve ça génial. C'est génial. C'est génial. Un jour, un mot, une découverte. On ils peut sont s'asseoir sympas. Dessus, c'est ils, fantastique. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Ah, ils sont gentils, ouais. Oh, ils sont fatigants quand même. Oh, oui, c'est mignon. Oh, je les aime bien. Voici Maître Gims. On est sur Énergie. Passez un bon moment. Bienvenue à tous ceux qui viennent de toutes les autres radios qui nous découvrent. Bienvenue. Vous allez voir ici, c'est confortable. Il y a du chauffage. Et il y aura une jolie demoiselle qui sera notre invitée dans 15 minutes. Le pire, c'est pas la méchance des désarmes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait. Stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge, je descends. Ou peut-être que tout simplement, je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Sur Énergie. Merci de nous avoir choisis. On est là tous les soirs dès 17h. C'est le Before. 18h, c'est l'émission en public. Dans un instant, la compile du pouvoir d'achat. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on fera? On aura des nouvelles de Paris Hilton qui est à nouveau libre. Mais Didier Deschamps, dernier match de l'équipe de France, donc de l'année hier. Oui, tout c'était à fait. L'équipe de France contre qui, monsieur Bordas? Contre l'Uruguay. Oh, ça a fait combien? 1-0. Et Didier Deschamps est en vacances. Oui. On a la connexion ou pas avec lui? Alors, on est en train de faire la connexion avec Didier. C'est bon, Bichette? Allô, Didier? Yo. Allô, Didier? Yo. Mais vous célébrez la victoire? Bah, c'est-à-dire, je célèbre surtout avec cette joie qui me caractérise la fin de cette coupe de merde. Je n'ai fini avec les ventes de Morveux. Ouais, non, mais hier soir? Rien à foutre. Je ne supporte plus de toute façon les joueurs. Hugo, tu lâches cette bouteille, s'il te plaît? Tovin, lâche cette chicha. Adil, lâche ton zizi. Mais si, je passe mon temps à les gendarmes, je suis entraîneur de foot, pas moniteur de colo. Et c'est quoi le programme maintenant? Apéro, jacuzzi, et là, c'est massage avec Happy Ending. Avec les joueurs? Non, avec Ziyong, Zifung et Fauziz. C'est qui ces nouveaux attaquants? Non, c'est trois masseuses. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas le bon texte. Ah merde! Non, arrête! Non. Celui que j'ai, je peux pas le lire. Ce qui terminait, c'était pas à cette heure-là en tout cas. C'est surtout ça. Je disais, c'est trois masseuses. Parce que je suis en vacances en Thaïlande. D'accord. Mais le massage happy ending, c'est comme un match de foot, sauf que la balle, c'est mon zizi.

Pour votre santé, bougez plus. Quand Saveria Coste, docteur en pharmacie et fondatrice du laboratoire Garantia, nous parle du pchit magique. 30 secondes, c'est le temps nécessaire à notre micro-peeling pchit magique pour renouveler votre grain de peau. Il paraît plus fin, plus jeune, plus lumineux. Elle dit aussi: j'ai formulé pchit magique avec une enzyme brevetée et 6 extraits botaniques. Son efficacité a été prouvée par des tests cliniques. D'ailleurs, il s'en vend un toutes les 10 minutes. Et bientôt, c'est vous qui allez dire: ah, magique! Garantia, des soins si efficaces qu'ils en deviennent magiques. En pharmacie, para et Sephora, existe en vanity cadeau. À tous les curieux, c'est le Black Friday Fnac. Le pack casque PlayStation VR avec la caméra et le jeu Worlds est à 199,99€ au lieu de 299,99€ en magasin et sur Fnac.com. Soit 100€ d'économie. Alors, à vos manettes, Fnac, c'est bon d'être curieux. Offre valable jusqu'au 2 décembre, voire conditions en magasin et sur Fnac.com. Fnac. Intersport. Thomas a toujours eu du mal avec le mois de novembre. Ouais, quand il fait moins de 20 degrés, moi je sors plus. Mais depuis qu'il a profité des remises exceptionnelles du Black Friday... Cool, il fait 5 degrés, c'est parfait, je vais faire du vélo. Chez Intersport, du 19 au 25 novembre, c'est le Black Friday. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 15% sur les vélos adultes Nakamura. C'est 15% de réduction et 100% de sortie vélo en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Hors vélo, à assistance électrique, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Pendant les 7 jours à prix impressionnants, vivez un Black Friday géant. Chez Géant, le portable Lenovo 15,6 pouces est au prix exceptionnel de 299€ au lieu de 329€. Et aujourd'hui, profitez de moins 20% en plus avec la carte de fidélité ou moins 50% en plus avec la carte bancaire, soit une économie cumulée de 54%. Oui, 54% d'économie sur le portable Lenovo. Cette année, la semaine Black Friday, c'est... Remise effectuée sous forme de cagnotte. Voir conditions et liste des magasins participants sur géantcasino.fr. Jiffy, Jiffy, tout le monde parle du Black Friday Jiffy. Mais pourquoi ? Parce que le Black Friday Jiffy, c'est une centaine de produits à des prix complètement barrés. Par exemple, le jeu Pieface est à 10,90€ au lieu de 19,90€. 10,90€ le jeu Pieface ? On prend tout pour le Black Friday Jiffy. Offre valable du 20 au 28 novembre sur articles repérés dans la limite des stocks disponibles. J'ai fait des idées de génie. 5 jours de Black Friday, vous en rêviez ? Alors pour vous, La Halle invente les Black Black Days. Jusqu'au 25 novembre, 5 jours incroyables avec moins 70% sur votre deuxième article, sur des milliers de vêtements et de chaussures. Moins 70% en magasin et sur lahalle.com. C'est ça les Black Black Days. La Halle, c'est vraiment vous. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Tu penses quoi de ma cuisine ? J'aime beaucoup. Tous ces rangements, c'est super pratique et tellement bien organisé. Et puis la couleur, oh, j'adore. Oh bah c'est sympa, merci. Mais je te parlais de mon gratin de chou-fleur aux tripes. Ah oui, ça. Oh, surprenant. Tous les ingrédients de la cuisine de vos rêves sont chez IKEA et toujours à prix bas. Comme le nouveau four à air pulsé Anreta à 399€. Et en plus, il est garanti 5 ans gratuitement. Rendez-vous vite dans votre magasin ou sur IKEA.fr. IKEA. Coé, c'est comme un bon vieux moteur. Il faut le faire tourner avant une course. Coé! C'est Coé, c'est le Bifor. 17h-18h sur Énergie. Ce jingle, vous venez de l'entendre pour la dernière fois. À l'instant même, noté 17h53, 21 novembre. Il était beau le bruit de moteur. Oui, il était beau, bah, il restera beau dans le studio. Plus jamais on le mettra. Mais qu'est-ce que c'est que ces studios? Je suis comme un vieux moteur, faut le faire tourner. Ben oui, c'est vrai. Ah, en coco, tu pollues comme un diesel, t'as du pot catalytique. Mais non, mais je sais qu'on a des problèmes de gilets jaunes et de hausse du carburant. On va pas tout mettre sur les bagnoles quand même. Gilets jaunes, ça continue. Vous pourrez tout à l'heure nous parler, nous dire ce que vous voulez. 0870-42-48, Big Flo et Oli. La semaine prochaine seront nos invités. C'est jeudi prochain pour fêter la sortie de l'album. Et dans quelques minutes, elle sera avec nous du studio public. Ce sera Kistouf. Bibi Rexha. Et bien ce titre avec David Guetta. Say my name. Say my name. On est d'accord, il paraît que le public en bas est très très chaud. Et qu'elle est déjà arrivée. Oui, elle est déjà arrivée. Ah voilà, une jeune fille qui n'est pas à l'heure, Laurie Neal. Voilà. Ah non, c'est le contraire là. Là, elle est à l'heure, elle est même en avance. Oui. Si c'est maintenant ces gens qui arrivent en avance, eh bien c'est moi qui ferai ma Laurie Neal. J'arriverai à 18h02. Je sais pas, je vais voir. Voici des bonnes nouvelles. Vous savez que maintenant, le sexe, finalement, c'est pas si mal que ça. À partir du moment où on se protège, à partir du moment où on met des préservatifs, qu'on fait quand même attention, eh bien, il y a des bonnes nouvelles sur le sexe. On apprend qu'on peut coucher plus facilement. Aujourd'hui, il vaut mieux dire les choses pour coucher facile. En gros, plus on est direct, plus on a de chances de mettre le futur partenaire dans son lit. En gros, si vous dites à quelqu'un: j'ai très envie de lécher ton corps dans son intégralité avec un pot de Nutella et de la fraise, vous avez plus de chances d'avoir la demoiselle qu'un bonjour, je peux t'offrir un verre, etc. Sinon, c'est hashtag balance ton porc, hashtag tu prends pour qui. C'est pas mais bien. C'est vrai, il vaut mieux être direct, parce que le pire que vous puissiez avoir, c'est un non. Ou un balance ton porc quand même. La vie sexuelle continue même après 70 ans. Bonne nouvelle. La moitié des couples qui ont plus de 70 ans ont encore des rapports sexuels. Oula. Oui, mais on veut pas les vidéos. Non, il y a des on choses. On vous qui... croit. Non, hey, vous savez quoi, pas de preuves. Il y a des choses, il faut les garder pour soi. Faut un avoir un rapport sexuel en dehors du couple. Je suis désolé, c'est pas bien pour la morale, mais c'est bon pour la santé. Parce que ça réveille le corps, ça stimule l'esprit, c'est prouvé scientifiquement. Moi, c'est une excuse que j'ai. Le jour où je me ferai gauler, je dirais c'est scientifique. Les femmes gardent un souvenir, écoutez bien cette info, elle est vraie. Les femmes gardent un souvenir du pénis plus grand que la réalité. Oh. Ah, et ça nous arrange. C'est génial. Et gardez-nous comme souvenir. Pourquoi remettre le couvert? Pourquoi recommencer? Puisque finalement, vous avez un très bon souvenir. Voilà. Regardez, c'est pareil. L'île aux enfants avec Casimir, on s'en souvient comme un truc génial. Oui. Et quand on le revoit, c'était moche. Il était orange fluo, c'était dégueulasse. Faut pas revoir. Le Gloubi-Boulga n'a aucun intérêt. Mais dans nos souvenirs, c'est super. Voilà. Se prendre des vents rend plus créatif et stimule l'esprit. Plus tu te prends de vent, plus tu modifies tes stratégies pour tenter de séduire la personne, plus tu sais la décrypter. Tes amis ne font pas plus... Comment quoi ? Quand tu parles de vent, c'est... Non, rien à voir avec la nourriture. Tes amis ne font pas plus l'amour que toi, contrairement à ce que tout le monde raconte. En moyenne, les hommes ont entre 6 et 8 partenaires dans toute leur vie, et les femmes, 4. Stouf. Hey, check là, t'as explosé des compteurs, machin. C'est très très bien. Et enfin, plus on fait l'amour, moins on est malade. Des chercheurs de Pennsylvanie ont montré qu'avoir plus d'un rapport sexuel par semaine renforce le système immunitaire. Miko, tu vas mourir la semaine prochaine. Mais c'est ça. C'est Koé, c'est le Bifor sur Énergie. Fiesta di te llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacitas. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami tu cuerpo no miente. La gente marcha, Bogotá para rumbear y Boca para danzar. Hemos llegado todos ya, Pitbull y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper. Sur Twitter, Koé officiel. Allez-y, follow moi. Vous êtes chez vous dans votre voiture, vous êtes sur Insta. Suivez-moi aussi, c'est Koé officiel sur Instagram pour voir toutes les photos et toutes les coulisses et toutes les stories. Et sur, vous êtes plus de 2 millions 9 sur Facebook. Choisissez votre menu, choisissez, c'est vous qui voulez. On est combien sur sur quoi? Sur le hashtag, on est combien? On est numéro 2 TT France. Très bien, vous en faites place. Un ou deux vite, il y a la compile tout de suite. Avec le hashtag place, il est dans une chanson. Il y a Netty qui nous dit. Car Gilles est sur la route toute la Saint-Journée. Tout à l'heure, nous ferons un mini-concert en prenant tous vos hashtags. Je tiens à vous le dire, nous rendrons hommage à tout le monde. T'en veux un autre ? Il y a Florian qui nous dit. Mais si. Je te fais un signe par plaisir. Allez, il y a Bambou qui nous dit gilet jaune, nanana, nanana, et le color des. Je sais pas chanter. Ouais, hein, mais... ça s'entend. Alors, en attendant, les gilets jaunes, nous en parlerons tout à l'heure. Mais la mauvaise nouvelle aujourd'hui, nous apprenons que les ménages en France ont perdu 440 euros de revenus entre 2008 et 2016. Oh, c'est beaucoup, par an. Alors qu'on dit que le pouvoir d'achat augmentait. Bien, voici la compile du pouvoir d'achat. D'ailleurs, la chanson de ta fiche de paye quand tu vois le chiffre en brut. Juste un petit jour, on ira faire la fiesta, la fiesta. Oui, mais c'est sans compter sur les chansons des taxes. Parce que tu enlèves l'URSSAF, ouais. Tu enlèves la CSG, ouais. Tu retiens le RDS, et là, la nouvelle chanson de ton salaire, c'est... C'est vide là. Eh oui, car il y a la chanson de l'État. Donnez, donnez, donnez, donnez-moi. Oui, enfin, tout ça, c'est pour tout le monde, sauf Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault. Toi, tu ne me dois rien. Quelle chance. Rien. Non, rien. Oh, rien, tu lui dois rien. On écoute d'ailleurs la chanson du Découvert à la banque. Et un, et deux, et trois, du coup, la chanson... Merci les gars. Du coup, la chanson de la bonne côte de bœuf chez le boucher que vous avez mangé hier soir. C'est peut-être la dernière fois. En fait, on ira tous peut-être un jour, les gars, à cause de ça, le pouvoir d'achat qui diminue, bah, tout le monde au Resto du Cœur. Ouais. Voilà, qui ouais. a été inventé il y a quelques années, et heureusement, mais on sera pas tout seul. Il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy, et mon cousin Pedri. Hey Johan sera en voyage dans hey un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. Restez avec nous, on est sur Énergie dans 3 minutes. Bibi Rixa sera notre invité dans 3 minutes, l'émission en public en bas. Merci de nous avoir choisis. Écoutez ça. C'est pas bon? Bon vieux Jay-Z. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down, spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. Hate you with liberty. Long live the world trade. Long live the king, yo. I'm from the Empire State. That's Alors, on est un légère bon. rejoindre dans le studio. Bonsoir à tous. Tu ne devineras jamais, on était coincés dans l'ascenseur. C'est pas vrai. Je te jure. Tu devineras jamais, j'ai bien flippé, vous arrivez jamais. Mais ça, on se l'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. Mais tout ça, c'est à cause de Jeff. Non, si. Ce coco, il s'est pas bien. Non. C'est à cause de Jeff, c'est à cause de Jeff. Pas d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qui m'a mis en retard? Jeff. Non, c'est pas moi. Mais si, c'est toi. Vous savez pas plus sur un bouton. Mais si tu m'as mis en retard. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Je suis en train de mettre sur mon Insta, je suis en train de mettre l'horaire. 18h04, effectivement, ça fait pas le mec qui est à l'heure quand même. Ah là là, position, je vais mettre Coé. Tiens, il y a une position Coé sur Insta ici. Voilà, je mets position Coé. Hop, voilà. Ça va tout le monde? Ça va le public? Ça va madame Elsa Najjar? Vous êtes en forme? Ça marche pas, oui, ça marche. Vous allez faire de la traduction? Comment? On fait un début d'émission, pas comme d'habitude, puisqu'on reçoit l'invité pendant quelques minutes avant. D'accord. Si vous allez faire la traduction, allez, vieille, on n'entend plus. Tu vas faire la traduction! You make the translation! Bon, moi, je suis à l'heure. Ouh! En même temps, c'est normal, ils l'ont posé là depuis ce matin. Donc, les meubles. Et alors, on a un guitariste. Qui est ce guitariste? C'est le guitariste de Bibi Rexha. C'est vrai? Français? Américain? Non, anglais. Francis Cabrel, what is your name? Chorus. Chorus, non, Chorus, it's me. Chorus, it's me. What's your name? Chorus. Chorus, non, deux fois, Chorus, it's me. Il va se faire passer pour toi. Chorus. Chorus. J'ai la Chorus en cathéter. Oh, Chorus. C'est comme la Corrèze, c'est la Corrèze en anglais, c'est la Chorus. Oui, voilà. C'est ça, welcome. Welcome. Eh bien, les amis, ça, le public, vous êtes venus pour voir cette demoiselle. Elle est là, elle est en forme. Il paraît qu'elle est là depuis comme toi. Un petit moment, oui. Depuis ce matin. Je suis en retard aussi. Allez, elle est prête. Faites beaucoup de bruit pour cette demoiselle. Elle s'appelle Bibi Rexha. Ouais. Hello. Welcome. Hello. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Welcome in France, le pays du fromage. Thank you for having me. The country of cheese. Ooh. And cheese and a kiss. Ooh. Mais pas en même temps. Ah. Pas, mais pas après. Not cheese and a kiss. Not at the same time. Why kiss? Not? What's cheese. Wrong with that? Because you know when you eat cheese normally. It's okay. Bienvenue. Je suis très content que cette demoiselle soit là. Ça me fait très très plaisir. He's very happy to have you on the show. I'm very happy to be here. Elle est ravie d'être là aussi. Vous êtes très jolie. Comment tu trouves la France? Non, c'est la première question, toute bête, un peu chauvine peut-être. Simple first question. What do you think of France? I love it. Elle adore. The food, it's delicious. Et la nourriture d'ailleurs, elle adore. The food. Qu'est-ce que tu aimes bien? What kind of le croissant, like? Tu vois, le croissant, le pain au chocolat. Oh gosh. Oh yes. Ah ouais, ça oui. Oui. I had a delicious like a chicken with the KFC. Un poulet quelconque avec de la sauce. Un bucket. Un McChicken. Elle est pas embêtante. Un bucket, ça le fait la soirée. Chicken McNuggets. Ah? Chicken McNuggets. Je connais pas ça. No. I went to a nice restaurant. Non, c'est un bon restaurant. Ah bah attends, il y a des bons restaurants qui font des chicken McNuggets. Yeah, hein. Nice restaurant. Il y a un petit KFC à Calais, tu vas kiffer. Alors, très joli. Le colonel. Bon, en attendant, cette demoiselle a 29 ans. Elle est notre invitée. Alors, on se dit pas l'âge d'une femme. Enfin, tout va bien pour elle. You said you were 29, then you said I shouldn't say how old a woman is. Yeah, it's okay. I don't care. Non, I look like I'm 23. Well, alors, on dirait qu'elle a 23. Non, mais non, on dirait que tu les as pas encore. On dirait que t'as pas le droit de boire de l'alcool. On dirait que t'as même pas 21 ans. He wouldn't even think you can drink alcohol looking at you. You're that young. Non, tu fais très jeune. Tu fais très jeune. You look very young. Thank you. On va chanter dans quelques minutes. Moi, je l'avais découvert avec ce titre-là, évidemment. Comme beaucoup de gens dans le monde, hein. Avec David Guetta. On s'en fait d'autres, tiens, bientôt. J'ai pas entendu, vous entendez pas le public? Ceux qui m'écoutent n'entendent peut-être pas le public qui chante vraiment bien. On le refait. C'est génial parce qu'il y en a qui chantent, qui connaissent toutes les paroles, puis j'en ai repéré deux, trois, ils font les suiveurs. Franchement, ça lui va. Il faut que je dis Bibi. Can you call you Bibi? Yeah. Oui. Bibi. Whatever you want. Okay. Tu appelles ce que tu veux. Non, Bibi, appelle-moi Coco. You can call me Coco. Okay. Hello, Bibi. Say hello, Coco. Hi. Oh, hello, Coco. Hello, Bibi. Hello, Coco. Bibi. Yes. Coco. Oui. Oh, Coco.

Little Memory. Bon, alors, attention. Oh. Oui, il s'est passé beaucoup de choses pendant la pub. Ça va vite. A lot of stuff happened off the air, apparently. Oui, c'est ça le haut débit. Alors, attention. Nous avons lancé. What? J'ai rien dit, j'ai dit nous avons lancé. We launched. He's trying to finish this sentence. Nous avons lancé. Yes. Le David Guetta Contest. David Guetta Contest. Of the World. Music. Nagy Music Award. Et tout avec. Tu l'appelles en premier ou on l'appelle tous les deux ensemble? Are you guys going to call him at the same time? Is that the plan? Okay, I go first. You want to go first or me go first? Tu veux toi premier ou elle en premier? Honneur aux invités. Ladies first. Vas-y. Alors, elle appuie sur appel. Mais jamais ça marche. Oh, t'imagines, non, mais il décroche à elle et pas à toi. En FaceTime. Après, j'ai fait FaceTime. En FaceTime. En FaceTime, yeah, why? Oh, okay, oh shit! Yes, connection. Motherfuckers! Il se recroche du coup. Comme le micro. How are you, David? Ça va, ça va. Ça va mon David? Ben ça va super. Ah alors David, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire ça va très bien. Est-ce que tu vois bien là ou pas? Oui. Je te vois toi et derrière il y a quoi? Voilà. Oh, mais non. Mais the ocean, look at the beach. Mais David, tu m'entends David? Ouais, je t'entends très bien. T'es à Mulhouse et tu me préviens pas? On est pour les gilets jaunes. Mulhouse. T'as ton gilet jaune, j'espère. Bon, alors David. Hey, David, who do you love more, me or Coco? Elle demande. David, est-ce que tu... Hey, Coco. Eh oui, je suis désolé. C'est énorme. He loves you more, Coco. Bah ouais, il t'aime mieux. Il a raccroché à la gueule. Now he's calling back, of course. Possible, ça. Ah, t'as vu, ça la vénère, elle a raccroché. Je suis désolé, David, elle t'a raccroché à la gueule. C'est pas sympa. C'est pas sympa, je crois qu'elle a été little vexée. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Donc tu es où exactement? Bibi, I love you. I love you too. Tu préfères Coco. I love you, David. We love you. On t'embrasse. Hey, ouais. Say my name. If you love me, la vidéo déchire. Elle a pas entendu parce qu'elle chante. Refais-le. The video is killing it. Listen, Bibi. What? Hello. Vas-y. Il a qu'il bloqué. Ça a bloqué. Ça a bloqué. Le moment, il voulait dire un truc sympa. Tranche, fais une capture d'écran. Regarde-la, ça va. Je fais une capture d'écran. Je te fais un bisou, mon David. Ça a coupé, ça a freezé, comme disent les Américains. Non, c'est bon. T'es revenu. Le clip est très bien. T'as foutu une merde entre David et moi. Yeah, now it's really bad between them. Thanks. Are you ready to sing? Yes. Non, parce que on a quand même le garçon qui attend depuis une demi-heure sur son siège. Your guitarist has been here for like an hour waiting. Chorus. Ouais. He's very funny. Ah oui, we're gonna show you a handshake. Wait, hold on. Attends, elle va montrer un truc. Comment elle lui serre la main, regarde. D'accord, ok. Attention. Là, il est saoulé, il a mal au cul depuis une demi-heure, mais il va essayer de jouer quand même. Il en peut plus. On est en Facebook Live, j'espère que vous avez tout vu. Attention, je sais que ce serrage, je ne sais pas ce qu'il fait. Il se fait chier à poser la guitare alors que le pauvre, il va devoir la reprendre dans un check. Instant. Attends, il y a un truc là. Attention. Le check qui dure 2 heures. Bon, alors, faut expliquer Coco. Ok. Bon, les du monde, oui. Ok, are you ready to sing? Ouais, bah, elle écoute pas ce que je dis, elle va faire des checks. Faut bosser maintenant, merde. Eh bah oui, mais parce qu'elle est là, chèque, et puis elle chante pas. Je rappelle que le premier album de Bibi Rexha qui nous quittera juste après s'appelle Expectation. Il est sorti depuis le mois de juin. Vous vous souvenez du check? Tac, Non, trop long. Bam, bam. Ouais. Après, il y a les pieds. Après, il y a les pieds. Je vais le checker pendant ce temps-là. Are you ready? Is this live? Yes. Oh, yes. Yes. In France? Yes. Yes. Oh, shit. In all the friends in Belgium, not in Belgium, in all the world, and on Facebook Live. Oh, shit. Prête? Oui, non, je suis okay. Voici Bibi Rixa en live sur Energy. Avant de lui dire au revoir, traduisez Madame Najar. Oui, yes. Monsieur Coco. Two things before say goodbye. Congratulations. Chris. On the handshakes. Chris. Very good. Good job. Très bon, on te garde. And Bibi, two things. Après, on se follow sur Insta? Do you follow him on Instagram? No. No, Instagram. No. No. No. I don't think so. Je voulais checker, j'étais prêt à checker. No, no. Just what, Rich? What? He wants you to follow him on Instagram. Right now? That's it. After, I promise. I swear. Après, elle promet. Swear. Elle jure. Number two. La deuxième chose, c'est quoi? Il va pleurer. Oh, he's gonna cry now. Don't cry. Il va pleurer. Mais non, pleure pas. Non, non, ne fais pas pleurer. Si, ça fait l'audience. Tu veux un câlin? Yes, he wants a hug, baby. Ah voilà, il a ce qu'il voulait. Oh là là. Comment il fait ça? Il est malin. C'est pas vrai. Il est malin. À chaque fois. Allez, ah bah voilà. Et tout s'arrange avec un câlin. I love my job. Oh. Ok, check. Ok. Alors, c'est what? How you check? Ok. Hop. Ça y est, je sais plus comment on fait. Bam. Allez. Attention. Allez, on y va. De l'autre côté, on y va. Là, c'est. Je sais pas compris. Voilà, ok, c'est comme ça. Le cul, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est un autre truc. Voilà. Et voilà, c'était Bibi Rixa qui était avec nous. On fait un bisou à ceux qui nous regardaient en Facebook Live. Thank you very much. I'm... In France, it's not one. In France, two it's 22. Ah, 22. Yes. Oh, no. 22 kisses. You have to give 22 kisses to say goodbye. Okay. One, two, three, four. Yeah. Bisous tout le monde. Restez avec nous. On est sur Énergie. Vous pouvez l'applaudir encore. Ah, ça se voit. What's up, France? I'm taking over the radio. Yeah. It's mine, c'est le mien. Bisous, bébé Rexa. Restez avec nous sur Énergie. Des surprises dans un instant. Des nouvelles du mouvement qui continue en France, des gilets jaunes. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous voulez continuer, vous voulez arrêter. On en parle juste après. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. In the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Like a song, a song, a song, a song. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Merci de nous avoir choisi. Bébé Ringside avec nous. Bon, je suis très content, j'ai fait une très jolie photo. D'habitude j'ai une assez sale gueule en photo et je suis assez fier de cette photo que j'ai réussi à faire. Sans filtre. Sans filtre. Eh ouais. No filter. No filter. Comment? On la met maintenant sur ton Insta. Bah écoute, tu sais quoi? Ça changera des 6 jours de retard que tu me mets d'habitude. On va la mettre maintenant. Allez. La semaine prochaine, nos invités Big Flo et Oli pour fêter la sortie de l'album. C'est pas grave. Ah non, c'est pas grave, ça me fait plaisir. C'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Pauline, elle est discrète. Ouais, on va pas faire toute la chanson. Ils seront nos invités la semaine prochaine. On fera une belle fête pour fêter la sortie de l'album. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Elle est très bien cette Bibi Rexa. Vous avez vu la tête de David? J'ai sa bouteille. Je vais la vendre. Sa bouteille. Je vais la vendre. Sa bouteille. Sa bouteille. Elle a mis sa bouche dessus. Oui, oui, bah, oh. Ça ferait un peu vicelard. Revends-la quand même. Voilà. Miko. Oui, oui. Je pense que vis-à-vis du public, ne les regarde pas, on peut tirer un petit 100 euros de cette bouteille. Je pense. Il y a son ADN, hein, je dis ça. Elle a mis à prix 100 euros. Elle a mis sa bouche sur le goulot. On peut la cloner. Je vais prendre du cash. Oui. Tu as. Comment? Tu as combien sur toi? J'ai une photo d'elle. Alors, continue les enchères. Va tirer de l'argent. Combien pour une bouteille d'eau de bébé avec ça? Allez, on va faire un point. On va revenir sur un truc un peu plus sérieux, mais qui intéresse tout le monde. Que vous soyez jeune, vieux, les manifestations des Gilets jaunes concernent tout le monde. D'abord parce que ça concerne votre pouvoir d'achat, ça concerne votre vie. Et puis si vous n'aimez pas ce mouvement, de toute façon, ça vous concerne obligatoirement puisqu'il y a des blocages de ronds-points, il y a des blocages de routes. Donc, quelque part, vous êtes tous plus ou moins concernés. Absolument. Sauf si vous avez décidé de ne jamais prendre d'essence de votre vie, vous n'avez pas de voiture, vous ne sortez pas de chez vous. Effectivement, là, ça vous passe comme Miko. Miko, gilet jaune, bleu, blanc, rouge, peu importe la couleur, ça ne le concerne pas. Il fait 300 mètres pour aller bosser, il rentre chez lui. Donc, Tu viens de me décrire, en fait. Exactement. J'ai pas le permis, tant qu'il n'y a pas les gilets jaunes dans les jeux de PS4, ça ne le concerne pas. Le jour où il y aura un gilet jaune qui va arriver, qui va dire pose ta manette. On est tous concernés. On fait un bisou à Mathilde qui est avec nous de Charente-Maritime. Tous les jours, on fait un petit point dans l'émission sur énergie. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Salut. Salut Mathilde. Comment ça va ma belle? Est-ce que tu fais partie des Gilets jaunes ou pas? Ah oui, depuis, on s'était déjà eu au téléphone lundi. Oui, on voulait prendre un point. Voilà. Comment ça va? C'était en Charente. C'était pas en Charente? Charente-Maritime. Très, voilà, c'est ça. On s'en souvient. Et alors raconte-moi un peu, on en est où depuis samedi, enfin depuis lundi? On a un petit peu changé notre fusil d'épaule, à savoir on faisait que de la filtration et bloquer les stations. Là, on est aussi à ouvrir les péages gratuits. Ah. On vend les péages gratuits. Ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est bien, ça. Parce que l'argent ne rentre pas, donc ça agace. Ouais. Là, ça va faire et ça n'embête pas les gens. Ouais. Voilà, on cache aussi les radars. Ah, mais quel mec! Voilà! Continuez! Ça n'est pas moi qui parle, mais que de bonnes idées. Non, parce que autant, il faut pas dégrader. Non. Mais cacher avec un tissu, carton, ça ne dégrade pas. Oui? Avec un gilet jaune. Voilà, oui. Comme ça, le radar, lui aussi, il est quelque part, il est jaune. Voilà. Et alors, ça se passe comment? Est-ce que vous sentez que les gens s'ennuient un peu et laissent tomber le mouvement? Ou vous pensez que progressivement, les gens se sentent toujours concernés et que comme ça ne bouge pas, ils sont toujours motivés? Ils sont toujours motivés, il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, des personnes, je pense, qui au début croyaient que ça n'allait pas fonctionner, en tout cas que ça n'allait pas mobiliser autant de monde. Ouais. Et là, finalement, ils se rendent compte qu'on est toujours là, toujours présent, donc ils nous rejoignent. C'est très bien. Ça prend de l'ampleur. De votre côté, vous êtes combien? Alors, comme on est sur une journée, je dirais que comme il y en a qui viennent pendant leur temps de pause, par rapport à leur travail ou après leur travail ou avant leur travail, c'est difficile de dire exactement, mais je pense qu'on mobilise entre 200 ou 300 personnes. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Et samedi, alors vous faites quoi? Alors, on n'a pas le droit de tout dévoiler. Non, mais ne soyez pas tout. Et le tueur, Non. C'est ça. Mais non, je vous demande pas où vous allez. On va faire un pique-nique géant. D'accord. Oh, cool. Oui, mais où ça? Et on avisera sur place en fonction du nombre de participants sur les différentes opérations qu'on va mettre en place. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des images qu'on voit dans les chaînes d'information où on fait passer un peu des fois les gilets jaunes pour des casseurs ou pour des gens qui vont trop loin avec des titres chocs, ouais, dépassés par les événements, etc., etc. Vous réagissez comment, vous? Je pense que dans les gilets jaunes, il y a deux flux. Il y a un flux qui est plutôt, effectivement, qui a envie que ça durcisse un petit peu le mouvement, dans le sens où ils veulent se faire entendre et ils pensent qu'en bloquant davantage, ça va peut-être avoir un impact plus rapide. Et il y en a d'autres qui, comme nous, pensent que effectivement on veut plutôt rassembler du monde autour de nous, fédérer la population à notre mouvement pour se faire entendre de cette manière-là. Bisous Mathilde, fais attention à toi, couvre-toi, il fait froid dehors. Je vais juste dire un dernier mot, si c'est possible. Bien sûr. Que j'adresse à notre cher président et à ses ministres. Nous vous avons compris, on garde le cap. Ah bah pareil. Bien joué. Joli. Ah bah, si tout le monde garde le cap, on est pas dans la merde. Ça va durer longtemps. Moi je vais m'habiller en jaune. Le Père Noël est jaune, ça n'est joli tout de suite. Hein. Bien sûr. Le Père Noël, il a un gilet jaune. Ça oui, bah lui aussi. Je t'embrasse, ma petite Mathilde. On a Romain, Seine-et-Marne, on va passer vite fait par Romain. Romain, comment ça se passe? Vous continuez le combat? T'en fais partie, t'en fais pas partie? T'aimes bien, t'aimes pas? Dis-nous tout. Ouais, bonsoir Koué. Alors moi j'en fais partie depuis samedi. Donc c'est long, tous les jours, donc depuis samedi, dimanche, lundi, mardi. Nous, on a fait plusieurs actions, donc on est en Sud-Seine-et-Marne. Il y a plusieurs groupes. Nous, notre groupe, samedi, on a fait des blocages sur la route. Dimanche également, on a continué. Et lundi, effectivement, on a commencé à changer nous aussi de stratégie, parce qu'on a remarqué que le but, c'était pas de se mettre à dos les citoyens, qu'au contraire, on veut qu'ils viennent. Et pour venir à nous, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Nous, ce qu'on voulait, c'était que ça touche l'État. Donc on a commencé à faire les raffineries lundi, donc la raffinerie de Grandpuy. Lundi, on est resté toute la soirée, donc on était à peu près 200 hein, tout le soir, voilà, des petits feux de bois pour se tenir chaud et on a bloqué l'entrée. Oui, enfin un petit feu de bois à côté d'une raffinerie, ça peut être dramatique. Pensez-y les gars. En fait, c'était le but normalement de faire exploser la raffinerie, mais ça n'a pas marché malheureusement. Mais non, non, non, on l'a fait. Écoutez les gars, j'ai trouvé des petites allumes. Bon, on va y aller, je crois. J'ai trouvé le gaz. J'avais prévu les merguez. Oui. Tu dis ça en déconnant, mais ils ont quand même ramené les pompiers pour nous éteindre un feu qui était peut-être à 500 mètres quand même de la raffinerie. Non, mais je dis pas ça en déconnant. Non, il faut pas faire un feu à côté d'une raffinerie. Non, mais on a quand même une certaine distance et voilà, il y avait quand même les gendarmes qui étaient là pour nous encadrer. Mardi, du coup, les CRS sont intervenus. Donc, comme disait notre cher ministre de l'Intérieur, effectivement, ils agiraient. Donc, on s'est retrouvés, voilà, ils nous ont fait sortir. Et du coup, on a décidé, qu'est-ce qu'on faisait. Et on a décidé, donc, nous aussi, d'ouvrir les péages, puisqu'on s'est dit que c'était beaucoup plus cool et que ça rendrait heureux nos chers concitoyens. C'est vrai. Et alors, est-ce que vous comptez faire comme la demoiselle avant, des petits pique-niques ou des choses comme ça? Parce que moi, je trouve que ce qui m'a un peu fatigué la semaine dernière, c'est de prendre en otage des gens qui y sont pour rien. Maintenant, si vous faites des trucs plus positifs où des gens vont vous rejoindre parce que ils peuvent quand même amener leurs enfants à l'hôpital, ils peuvent quand même amener leur maman quelque part, etc. Et d'un seul coup, moi je trouve que c'est un peu plus sympa d'ouvrir au mouvement avec un petit truc à la cool. Je dis des merguez, j'exagère un peu, mais c'est pas si cool. Non, ça, je n'exagère pas. On mange des merguez depuis samedi. Voilà, vous allez prendre 20 kilos. Et prenez une taille au-dessus, les gilets jaunes. Mais non, tu as extrêmement raison de le dire justement ici, parce qu'effectivement, je rejoins ce qu'a dit Mathilde tout à l'heure. Il y a deux types de gilets jaunes, là qui pensent que continuer le blocage c'est bien, et non ce n'est pas bien justement. Donc on essaie justement d'amener du positif. Donc ce soir on va faire une réunion pour savoir justement qu'est-ce qu'on va mettre en place, c'est de convaincre ces dernières personnes qui veulent bloquer, parce que ça n'est pas la solution. On est comme vous, on pense que voilà, si on amène quelque chose d'un peu funky, de sympa, on va pouvoir attirer du monde. Et vraiment voilà, c'est aussi ça, c'est les enfants qui ont peur aussi dans la voiture des fois en voyant des gilets jaunes, qui applaudissent. Ça n'est pas ça. Et c'est ce que les ministres appuient, notamment à la télé. Comme tu as parlé de la télé tout à l'heure, c'est super important. On en a marre parce qu'on a l'impression qu'on nous montre que ce qui est noir. Et c'est pas du tout noir. Au contraire, on est jaune. Très pacifique. Et voilà, on ne casse pas tout. Vraiment. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse. Et Romain. Oui. Mollo la merguez. Ouais. Et pas de petits feux à côté d'une centrale nucléaire. Et on arrête de foutre des petits feux partout. On vérifie ce qu'il y a à côté. Gros bisous Romain, je t'embrasse. Embrasse tout le monde en Seine-et-Marne. Les mecs, ils vont manger des merguez. Vas-y, t'imagines dans deux semaines, mets ton gilet jaune. Il rentre plus. Ferme plus. A tout de suite, on est de retour avec le devine qui c'est sur Énergie. Gagnez vos places pour la soirée foot regardée par la planète entière. Le Ballon d'Or, c'est le 3 décembre au Grand Palais à Paris. Le Ballon d'Or est attribué à. Et l'équipe du Rico Show vous y invite. Seul Rico possède des tickets. Il vous les offre ce soir. Et vous serez, grâce à Énergie, invité au milieu des stars de la planète foot. Le Rico Show. Ce soir, 20h sur Énergie. Incroyable, c'est déjà Black Friday chez Nocibé avec des offres de dingue toute la semaine. Aujourd'hui seulement, deux ventes flash à moins 40%. Le parfum La Nuit Trésor à la Folie de Lancôme, 50 ml. Et les crèmes hydra essentielles de Clarins, 50 ml. Oui, moins 40%. Dépêchez-vous. Et à demain pour deux nouvelles offres exceptionnelles chez Nocibé. Nocibé, la beauté libérée. Dans la limite des stocks disponibles. Détails en magasin et sur nocibé.fr. Pour le Black Friday, But vous offre 50 euros en bon d'achat à partir de 200 euros d'achat sur tout le magasin et même sur les produits en promo. En ce moment chez But, c'est le Black Friday. 50 euros en bon d'achat offert des 200 euros d'achat. Voir conditions en magasin. Black Friday, vendredi noir. Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose? Oui, mais ça m'étonnerait que vous le trouviez en fait. Je suis super exigeant. Eh ben, dites toujours. Bon, ok. Je cherche tout. La tradition, le savoir-faire, le respect du bien-être animal, la qualité et un goût supérieur. C'est juste impossible. Bah, pourquoi ça? Faut être malin. Cherchez le logo Label Rouge sur les viandes et volailles. Ah ouais, malin. Label Rouge. Bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, œuf. Soyez malin. Faites confiance au Label Rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. Garder des vieux balais d'essuie-glace sur un pare-brise neuf? C'est pas sérieux! En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits. Vous imaginez? Gratuit! Une promo comme ça, faut pas la rater! Alors profitez-en, c'est jusqu'au 1er décembre! Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr.

Mais vraiment, vraiment. Tu sais, la famille, c'est saut 2018. Bien sûr. Je suis à la mode. Je vous lis quelques mails qui sont arrivés un peu partout. Il y a des mails, il y a des messages sur tous les réseaux sociaux. Merci de nous suivre. Twitter, follow-moi sur Twitter, c'est Coé Officiel pour être informé de tout, de tout ce qu'on fait. Instagram, Coé Officiel aussi. Sur Facebook, c'est Coé Officiel. Ce week-end, nous serons pour le One Man à Nantes. Double représentation. Deux fois. Samedi, je joue deux fois, les amis. Bim. À 18h et à 20h. Merci, monsieur, dame, à votre bon cœur. Ça. Un suppo, une orange pressée. Il va faire rigoler les gens. Voilà. Et ensuite, le 15, nous serons au 15 décembre, ce sera Rouen. Lille, puis ensuite, il y a plein de dates qui arrivent. Puis Paris, surtout le 14. Venez nous voir à Paris, les amis. La Comédie de Paris, 14 janvier. J'ai toutes les dates. À la Comédie de Paris. Genève, c'est le 9 février, à la Comédie de la Gare, Toulon, au théâtre Le Colbert, le 9 mars. Sable d'Olonne, le 16 mars. Compiègne, ensuite. Bordes, Toulouse, Lyon, Fayence, Pfaffenhoffen. C'est à l'espace culturel de la Seine, c'est au mois de mai. Ensuite, on a le temps, Morges, etc. Je vous lis des messages. Allez. Ouais. Coé, j'ai un coup de gueule. Ah. C'est quoi cette connerie de hashtag? Moi, depuis que je suis petit, on m'a appris que ce hashtag, ça s'appelait dièse. Oui, c'est quand vrai. T'écoutes ton répondeur, on te dit d'appuyer sur dièse, pas sur hashtag. Je t'écris ce message car on en discute avec un pote. J'ai lancé le défi que je te contacterai pour en parler à la radio. C'est fait, on va pas faire une heure dessus, mais voilà. Dièse ou hashtag. C'est vrai que les téléspectateurs de Michel Drucker, quand ils voient marquer vivement dimanche, ils lisent dièse vivement dimanche. Oui. Ils doivent prendre leur téléphone, ils font dièse vivement dimanche. Je comprends pas, j'ai appelé en Turquie. Message de Yoani. Bonjour, je t'écoute tous les soirs, je vous adore trop. Je voudrais passer un message pour tous les animaux qui dorment dehors et dans les spas avec le froid qui arrive. Les SPA, pardon. Les spas. Ah, c'est pas vrai. Ah, ces animaux dans les spas qui se font masser. Les bains à bulles. Ah, tu le vois, le labrador, comme ça, dans le bain à remous, dans le jacuzzi. Ça manque de mousse. Plus chaud. Plus froid. Non, dans les SPA, pardon. Avec le froid qui arrive, que les gens passent à faire des dons de couverture ou autre pour tous ces êtres qui demandent qu'à être aimés. Merci à tous. C'est vrai. Gros bisous à tous ceux qui nous écoutent dans les refuges et dans les SPA. Faites un beau boulot. Message de Roxy. Je t'adore, Coé, j'adore ton équipe, votre podcast. Vos podcasts sur YouTube, ça fait un bien fou. Ça me remonte les morales. Quand ça va pas, je pleure de rire devant vos vidéos. Je vous adore. Continuez de nous écouter sur un podcast. Je sais qu'ils cartonnent les podcasts. Ils sont mis à la dispo dès la fin de l'émission. Quoi d'autre encore? Ah, hier, j'ai dit qu'on allait faire. On allait battre Manu au Laser Game. Ouais. On va le défoncer. Manu a répondu. Philo Sport, t'as deux Coé à perdre avant de nous affronter. Alors, dis ça à toi. Ça a mal se passer tout ça. C'est une déclaration de guerre là, concrètement. J'en ai bien l'impression. On va le défoncer ils là. Ils vont être mauvais. Ils vont je être mauvais. Je voulais être cool parce que je l'aime bien Manu, mais je crois que je vais l'humilier. Ou je vais arracher sa batterie, on verra. Je vois ce que je vais faire. Cécile, je vais pas vous, mais je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir la partie de Laser Game entre l'équipe de Coé mais on et l'équipe de Manu. Comment le perdant, hein, quoi? On sait pas, on verra. Jeff, quoi qu'il se passe, tu mangeras, t'inquiète pas. La cantine fermera pas. Il y a une vidéo de Jane qui a été mise sur le Twitter de Jane ou le Facebook de Jane, c'est quoi ça? Le Twitter d'énergie. Twitter hier. D'énergie où elle chante hier et il y a Sab qui dit non, elle couche avec sa combi ou quoi? Gentillesse. C'est vrai qu'elle a souvent la même. C'est vrai que. Bah, j'espère pour elle qu'on en a plusieurs fois non, la même. Non, je pense qu'il y en a plusieurs. Madame, il y en a un qui dit Madame Baptiste, dans ton premier One Man, ça fait 20 fois que je le regarde, c'est toujours aussi drôle. Gros bisous, Coé, gros bisous, merci beaucoup. C'est sur Netflix, si vous voulez voir mon premier One Man. Hein, ouais. Disponible. De Fortnite Web Story qui dit Coé, tu peux faire une dédicace à ma chaîne YouTube, Fortnite Web Story. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? De David Tarose, qu'est-ce qu'il y a? Coé qui s'est fait piéger par la folie du skibidi. On va en bouffer pendant un petit bout de temps. Il y a des risques, David. Aïe, aïe, aïe. Et je vous prépare un truc. Je vous prépare un truc sur cette chanson. Oh là là. Ouais, moi, là, j'adore ce truc-là. Hé hey. Ah bah, t'as pas fini d'en bouffer. Hein. Ça, c'est viral, c'est dans le monde entier. On commence, là. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ah, le skibidi. 60 skibidi wapapapapa. Et ça se moque de moi avec les termitiers et pip pip pip. Skibidi. Et enfin, le message pas très fin du jour. Ah. Coé, dédicace du Havre, dans les bouchons, la merde, c'est à cause de Martine, la mère de mon collègue Anthony, avec son gros cul, elle a tout bouché. Voilà. Donc, bon, c'est une forme de dédicace vénère. Sympa. Dans un instant, il y aura le devine qui c'est. Restez avec nous, plus le kiki roule et des cadeaux à gagner. Ça change du gros bisou, je t'aime bébé. C'est ça. Ah, c'est dédicace un peu nouvelle. Like the cattle. De 18h à 20h, 17h à 20h, 18h, c'est l'émission en public. On va attaquer la dernière heure d'émission. On est déjà dedans. J'ai rien vu passer. Bah, j'ai même pas dit bonjour au public qui est très joli. Elles sont belles, les fans de Bibi. Bibi Rickshaw. De Bibi. Quel est ton prénom, mademoiselle? Kathleen. Ça va, Kathleen? Oui, très bien. D'où tu viens, Kathleen? Du 78. Mais c'est génial! Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille. Tu fais du travail dans quoi? Au jardin d'acclimatation dans un. Ah, trop bien! Mais j'y vais régulièrement. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah, je suis opératrice. Mais opératrice, c'est-à-dire tu fais quoi? Quel manège? Quel manège? Il y a les chaises volantes. Les chaises volantes, ouais, les tout à fait. Les speed rockets. Ouais, les speed rockets, tout à fait. La tour de l'horloge. Ouais, Jeff, il veut savoir si tu pilotes les donuts et les gosses. Ouais, les churros, est-ce que tu fais les churros? Non, désolé. Ouais, merde, on m'intéresse pas. Tu pilotes pas les churros? Non. Ah bon, on passe à côté alors. Faudrait qu'elle nous fasse un petit appel promo. Bon, allez, c'est parti, c'est oui, parti. Il faudra parler dans le jardin. Mais sinon, j'arrête pas la machine. On y paraît qu'on ait des forains pour l'appel promo. Bah oui, ça si vous êtes forain, vous voulez jouer avec nous, l'appel promo, vous avez des micros. Bah oui. Contactez-nous, koé@energie.com ou sur mon Facebook, vous allez dans Messages, les forains. Alors, on a le prénom? Vanessa. Bienvenue, Vanessa, ça va? Oui. Tu habites où? 94. D'accord, à côté, on y va. Tiffaine. Salut, Tiffaine, bienvenue. Allez, on y va, à côté, on y va, c'est parti. Marie. Salut, Marie, avec des filles, allez. C'est vrai qu'elles sont toutes jolies. C'est, pardon? Marois? Marois. Oh, salut, Marois. Maroual. Non, Maroual, non. Maroual. Maroual, c'est dans le Nord, Marois. Ça y est, t'as regardé, elle t'a jeté l'œil, mec. Elle t'a dit, tu m'as appelé Marois. Là, elle m'a jeté les yeux. Moi, là. Tu m'as appelé Marois, moi. À côté. Inès. Ça va, Inès? Ouais, ça va. Le demoiselle à côté. Chance. Oh. Chance. Ah, c'est vrai. C'est vraiment la chance. C'est vrai, ça? Quelqu'un peut aller acheter un tac au tac, un truc à gratter? Non, je déconne pas. Si j'ai pas de ticket, je te gratte. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher un truc? Mais un truc facile, hein, pas les trucs avec si t'as 3 télé, 2 bus et que ta mère a l'année 12. Un banco, mec. Il y a des trucs. Un morpion. Non, on va faire mieux. Chance. Pars avec Pierre. C'est toi qui va les qui va choisir. Je vais donner les sous, c'est toi qui va choisir. Il y a pas un jeu numéro chance. Mais habille-toi d'abord, parce que ouais, tu vas mourir. Tu vas avoir. T'es globalement nu depuis combien de temps, chance? Parce que elle vient de se lever, elle a pas très peu de vêtements. Elle est pas très vêtue. Elle est pas très vêtue, chance. Ouais. Il manque des bandes de vêtements. C'est pas l'été, quoi. Chance. Pierre, t'as des sous? Oui. T'en veux sinon j'en ai. Oui, donne, allez, donne. Non, je t'en donne. Voilà. Alors donc chance, c'est toi qui choisis, d'accord? D'accord. Non, calme-toi. Pour 20. Pour 20 euros? Pour 20. D'accord? Ah ouais, carrément. Ah, banco, ouais. Parce que c'est un banque illico, mec. Et ah ouais. Pas que des bancos. Non, mais des trucs faciles. Allez, non, chance. Allez, on part avec Pierre. Et Pierre? Allez, chance. Elle choisit. Pierre, ah, non. Il va tenter quelque chose. Sera bien, c'est bon. Chance. Détends-toi, c'est Pierre, fais gaffe quand même. Mais Coco, si ça se trouve, son nom de famille, c'est mauvaise. Mauvaise chance. On revient. Pas de chance. J'ai oublié de vous dire, mon prénom, c'est Pad. Tant pis. J'ai acheté les tickets. 20 euros de cramé. Vous êtes bête, arrêtez. Ah, mes enfants ne mangeront pas ce soir. Et le garçon, tu ne demandes pas son prénom? Non. Non. Quel est ton prénom, mon ami? Kousila. Kousila. Kousila. C'est ta seule chance, c'est de la famille, c'est une copine à toi. C'est une pote. Elle porte chance ou pas réellement, dis-moi. Ouais, vraiment. Vraiment. Putain, on va tous devenir riches. Si on gagne une grosse somme, je partage avec le public. Menteur. Non, je vous dis, peu importe ce qu'on gagnera, je le partage avec le public. Et nous, et nous. Si t'as 2 euros. Eh ben, je partagerai. Ça va être une galère, mais je vais partager. On fait un petit devine qui c'est. Allez. Oui. Le qui roule, dépêchez-vous. Vous êtes en famille, en voiture. Il y a quoi à gagner, Stouff? Une Nintendo Switch, toujours. Une très Nintendo belle. Switch, mais je n'ai aucune mémoire. Aucune mémoire. Je sais. Je sais. Moi, si un jour j'étais Père Noël, qu'est-ce que j'ai vu qui est Père Noël? Je sais pas. Tiens. Tu en prends. Ça doit être à toi. C'est pour. C'est bon. On appelle Georges. On a de la Michel, sinon on a de la Huguette. Alors, on a de la Huguette. La Huguette, c'est bien. Principe du devine qui c'est, on lui dit juste devine qui c'est et globalement ils peuvent nous prendre pour quelqu'un de la famille. J'aime bien cette émission, on va tous devenir riches. Quel bonheur. Grâce à... Bonjour. Oh. Allez. Ouais, on n'a pas de chance. Je m'appelle Petite Chance. J'avais plus la chance. J'ai plus la chance. Allô, Huguette. Oui. C'est Huguette. Bonjour Huguette. Devine qui c'est. Je sais pas. Oh bah dis donc, t'as pas... tu cherches pas. Hein? Non. Non. T'es de mauvais poil? Un truc non. Qui va pas? Si, t'es de mauvais poil. T'es de mauvais poil, là. Tu souris pas, t'es... Qu'est-ce qui se passe? T'as fait le gilet jaune? T'as pris froid? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah, annoncez qui vous êtes. Oui, bah, essaie de trouver aussi, réfléchis. Oh, parce que t'es désagréable. On le disait dans la famille, hein. On dit Huguette, on peut plus la blairer. Tellement elle est désagréable. On le dit dans la famille, hein, on le dit, hein, t'étonnes pas si on t'appelle pas souvent. Ah non, mais... Non mais Huguette, non mais voilà, Huguette, la dernière fois tu disais pourquoi il m'appelle pas. Parce que t'es désagréable, Huguette. Regarde. Tu vois, pas un mot gentil depuis tout à l'heure. Huguette ? Oui ? Bon, je suis de la famille. Ah bon ? Voilà, ça continue, joie de vivre. Pas facile, Huguette. Hein. J'essaie de créer un contact, j'essaie de créer de l'amitié, j'essaie de rappeler. Tu me mets un mur. Huguette. Oui. Bah, parle. Non, bah écoutez, je vais raccrocher. Hein. Oui. C'est pas grave. Au revoir. Eh bien, c'est pas plus mal. Au revoir, Huguette. Ah, dis donc. J'en fais une autre vite fait. J'ai une autre Huguette. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu voulais mettre quoi? Le Letter Beaches. Eh ben, on va le mettre. C'est Huguette qui le lancera, Letter Beaches. Ah bah. Tu sais quoi? Si on arrive à faire lancer Letter Beaches par Huguette qu'on ne connaît pas, c'est le plus fort. Déjà, faudrait qu'elle décroche. Oui, oh, ça va. Allô? Huguette? Oui. Bonjour Huguette, devine qui c'est? Je sais pas. Devine, la famille qui appelle. C'est. Aucune idée. Oh, bah si, la famille, qui ça peut être? Ouais, il y en a, hein. Bah oui, la famille, direct, qui ça peut être? Je sais pas. Tu sais pas, tu ne cherches pas non plus? Non, j'ai pas d'idée. Eh bah, vous avez tous décidé de me pourrir cette séquence ce soir, en fait. C'est les Huguettes. Vous vous êtes appelés, vous avez fait un groupe Facebook. Hein, Huguette? Huguette, tu peux me faire plaisir? On parle. Tu peux me faire plaisir? Non. Merci Huguette. Bon, c'était pas la soirée des Huguettes. Ça a mérite d'être clair. Hashtag la Huguette, c'est pas ta copine. Non. T'as besoin de quelque chose? N'appelle pas Huguette. Non. Voilà. Non. Vous en connaissez une désagréable vous aussi? Hashtag balance ta Huguette. Bienvenue, je suis René Rogé, c'est Prince Karma. I've got to wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches.

si vous venez de nous arriver, de venir nous rejoindre, Chance, qui est une auditrice, était partie. Oui, la Chance était partie, oui. Mais la Chance est revenue. C'est son prénom, hein, on précise. Oui, bah oui, c'est son prénom. Tu veux pas la porter? Comme ça, tu porteras Chance. Pas mal. Ah, il t'a piqué ta vanne. Qui? D'où, quand? Oh. L'antenne, c'est maintenant. Oh là là, là, là, là, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'as pas de micro, c'est là qu'il fallait faire la vanne. Ouais, oui. Pas dans deux jours. Ouais, c'est pas pendant la pub, quoi. Hey, ça, va, ouais. Ça va, Chance, redis-nous où est-ce que tu habites et tout. J'habite à Paris. D'accord. Et je m'habite très peu. Et j'ai souvent chaud. Alors, c'est elle qui a acheté les tickets, c'est elle qui les a choisis. Pierre, vous me confirmez? Oui. D'accord. Allez, on va voir si tu portes bien ton prénom. Ah là là. Tu sais ce que je fais là? Non, qu'est-ce que tu fais? Je souris à la Chance. Tu souris à la Chance. On va tout faire. J'espère que tu es audacieux. Pourquoi? La Chance serait audacieux. C'est vrai. Ah, attention, on y va. On y va? Oui. Allez. Je gratte là le gain en bas, c'est ça? Et ensuite, il faut que j'ai des ballons. On fait un goal. Hein, un goal? Là, ça marche comment, moi? Je sais pas. Déjà, j'ai une somme qui apparaît, je comprends rien du tout. Mais c'est écrit, le règlement. Ça doit être deux sommes identiques dans les ballons. Non, c'est pas ça? Non, j'ai pas gratté le bon truc. Faut gratter le gain. Il a gratté nul, s'il dit couvert. Allez, hop. Il y en a qui est foutu. Ouais. Je crois que j'ai mauvais gratté. Il est mort. Bon, les gars, on y va, on enchaîne. Chance à choisir pour le premier. Pour le premier, nous avons. Rien. Allez, on enchaîne. Gain, on joue pour 4 euros. Waouh! Donc, il faut qu'il y ait 2 fois 4 euros divisé par 30 personnes, ça fait du festival. Hein. Alors? Voilà, attention, que dalle! Allez, on y va! Ah. On joue pour à nouveau 10 euros. Ah, 10 euros. Il y a des gens qui deviennent riches avec ces jeux ou. Non. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Pas en France, mais ça arrive. Ça arrive. On joue pour 400 euros. Ouh! Oh. Divisé par 30, autant ça va pas dire qu'il n'y aura rien. On l'entend avec ses pieds. C'est radiophonique. Ah, ouf. Et alors, je ne triche pas. Perdu les 400 boules, ça fait chier. Oh, merde. Je me voyais déjà en train de partager 400 euros avec le public. Là, ça avait de la gueule. Mm. Bah oui, vous aussi, vous faites de la gueule. Bah, oui. C'est quoi? C'est le dernier ticket ou il y en a? C'est le dernier, mais attendez, après j'attaque les bons coups. Il y a des bons coups. Voilà, 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros. Que dalle. Chance. Vérifie quand oui. même. Oui, il faut que ce soit Chance qui gratte. Ah là là. Ah les longs, c'est fou. Quoi? Il y a Chance, il y a Jeff et Bordas. Et alors? Une Chance, ouais. Deux cocus. C'est ouf. C'est n'importe quoi. Chance de cocu. Pourquoi tu dis ça? Ouais, quoi, les gars, attends, on fait un banco, on attaque là. Allez, on y va. On je crois que t'as pour... une chance au grattage et deux chances au tirage. Non, non, fallait pas ça. On voulait éviter. Il a pas zéro euro. Il a pas entendu. Allez, bonne chance aussi. Allez, 0 euro. Ah bah, il a pas capté. Allez, non, arrête, il y a Chance qui est mal. Là. Allez, 0 euro. Toi, c'est la dernière fois. Ah, ça va être de sa faute. Ah, dernière fois. Le public, de toute façon, ne va pas te rasseoir, ils te maudissent. Ah, ils se voyaient déjà riches. Ils vont la juger quand elle va se rasseoir. Allez, allez, les bancos, allez, on y va. Allez, on attaque le fétiche. Allez, on y va. T'as les fétiches aussi? Ouais, comment ça marche les fétiches? Il faut qu'il y ait le numéro 3 et la somme, c'est ça? Oui, c'est mais ça. Mais quelle arnaque, mais qu'est-ce qu'on se fait de niquer dans ces trucs-là? Reste pas à côté de Coco. Allez, rien du tout. Il va te faire mal, Chance. Chance. Ouais. Dans un instant, j'ai la famille Martin qui va jouer. Bah là aussi. Il y a un gagnant. Bah, t'as gagné 1 euro, t'as gagné 5 euros. Arrête. Bah alors. T'as gagné 6 euros là, de où t'as pas gagné? Oui, mais j'ai pas mes lunettes. Mais je vois rien. Il a jeté les tickets, c'est tout. Je vois que dalle en fait. Les deux bancos. T'es sérieux? Combien on est là? Là, t'as 6 euros en tout là. Vérifiez tout ce qu'il a acheté. Ouais. 6 euros divisé par tout le public, ça va être un festival. Hein. Ah, vous savez quoi? Alors là, après offrir 10 000 euros chez Manu, 10 000 euros chez nous le soir, 6 euros à 19h30. Ça fait 0,2 centimes. Merci pour ce. Je précise, je précise. Et là, j'ai gagné quoi? 2 euros, 1 euro et 16, 1 euro. Je regarde, mais c'est la merde. Vérifie tous ces tickets je quand même. Crois, j'ai l'impression que la chance a tourné. Va t'asseoir. Allez, au revoir. Vas-y, tourne. Tourne sur toi-même. Pierre, vérifie tout. Applaudissez, chance. Bravo. Bravo, chance. La famille Martin est dans sa voiture. Va jouer au kick qui roule. Comment ça va, les Martins? Ça va bien, salut. On est en pleine forme, j'espère que vous aussi. Dans un instant, nous aurons place gilet dans une chanson. Nous allons chanter avec que des tweets que nous ont envoyés les auditeurs. Le tweet cartonne ce soir. Nous avons Jérémy, le papa. Ça va, Jérémy? Salut, ça va quoi? Ça va très bien. Nous avons Sandra, la maman. Oui, salut. Salut, nous avons Cédric qui a 10 ans. Ça va, Cédric? Oui, ça va. T'es en pleine forme? Ouais, je me sens très bien. Ben, moi aussi. Je t'en veux savoir. Parce qu'en même temps, je fais un état de santé. Tu ne tousses pas, tu n'as pas le nez qui coule, pas de rhume. Non. Eh bien, tu n'es pas malade, tu iras à l'école demain. Vous habitez où, la famille Martin? Vous êtes où, là? À Villeperdue, à côté de Tours. Ça fait rêver, hein. Ne cherche pas. Villeperdue. C'est le seul ville qu'on cherche pas. Villeperdue, ça s'appelle Villeperdue. Ouais, pour de vrai, ouais. Oh, mais non. À la limite, pain perdu, ça fait kiffer. Ouais, Villeperdue. Ouais. Pain perdu, c'est le nom de notre boulangerie. Ah, vous avez une boulangerie qui s'appelle Pain Perdu à Villeperdue. Ouais. Super, ça. Alors, voici la question pour le papa. Quel est le score du match de l'équipe de France de foot hier? Je rappelle qu'on joue pour quoi, Stouff? Une Nintendo Switch. Ah. Je veux dire 1-0 évidemment. 1-0. Avec Giroud à la 30e minute. Et bah voilà, vous voyez comme quoi tout le monde chie sur Giroud, mais quand Giroud il met un but, tout le monde l'aime bien, Giroud. Ouais. Mais c'est vrai. Il est pas si mauvais. Hein. Il est pas mauvais, Giroud. Je sais pas pourquoi il a un truc antipathique où les gens ne l'aiment pas. C'est comme son ça. Karma qui est pas. Mais je le trouve très sympa, moi, Giroud. Oui, on a l'impression qu'il y en a que pour Mbappé et Monsieur Huawei là. Avec Mbappé, hein. C'est quand même voilà, c'est un certain niveau. Oui, mais Giroud, on a l'impression qu'il y a un anti-Giroud alors qu'il n'est pas. Mais Giroud en Coupe du Monde, il nous a pas mis beaucoup de buts non plus. Hein. C'est pour ça. Il a été décisif sur certaines balles, mais pas fou. Hein. Ego, pas dingo. Hein. Nous avons, je te rappelle mon petit Cédric, que si maman a la bonne réponse et toi tu as la bonne réponse, vous gagnez la Nintendo. Ouh, très bien. Je sais, ça serait bien. Il est très calme cet enfant. Hein. On va le faire examiner, il est presque trop calme. C'est très bien, je me sens parfaitement bien. Petit adulte. Tu seras bien né plus tard. Alors attention, deuxième question. Je suis ravi. Question pour la maman, qui présente L'amour est dans le pré? Karine Le Marchand, bien Karine sûr. Karine Le Marchand, voilà, très bien, c'est fait. Question pour mon petit Cédric. Cédric, si tu as la bonne réponse, vous avez la Nintendo Switch. Assurément. Cela me sied ravi. Certes. Ça va parfaitement aux couleurs de ma chambre. Divertissons-nous, allons-y. Tu es prêt? Tu es prêt? Ne les écoute pas. Tu es prêt ou pas, Cédric? Je suis prêt. Je suis tout oui. Vous êtes sûr qu'il a 10 ans, cet enfant? Oui, oui. Il parle très bien. Je suis prêt. Attention. Tu kiffes la vie sinon, Cédric, tu aimes, tu es en forme? J'apprécie. Moultement divertissante. Ouh, il a... La vie porte ses lots de tracas, mais cela va de soi que ce n'est que passager. Allez, on arrête de charrier. Cédric, voici la question. Qui chante jour 1? Louane. Es-tu sûr de ta réponse? Je suis sûr. Grand Dieu. Et si c'est la bonne réponse, que gagnes-tu? Nintendo Switch. C'est gagné. Bravo. La famille Martin à Villeperdue de la boulangerie Le Pain Perdu. Vous gagnez la Nintendo Switch si personne l'a perdu dans les couloirs. Je vous fais un gros bisou, je vous embrasse fort. Merci. Salut, à très, très bonne soirée Cédric. Merci. Comme d'habitude, nuit de folie, coucher 20h30. Bien à vous. Cordialement. Cédric, cordialement. À très bientôt. 10 ans quand même. Parlez pas comme ça, 10 ans. Non, j'ai à mon âge, je parle pas comme ça. Bien éduqué. Qu'est-ce qu'on écoute? La BO de A Star is Born. Pas, c'est Lady Gaga. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?

pourrez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. J'irai en mourir. Alors, on la tient celle-là, on la tient. Ouais, celle-là, attention, ouais. Celle-là elle va être un peu plus dure. Regarde-le, il est perdu. On continue non, non. La chanson avec les gilets, c'est parti. T'es prêt? Aïe. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconnées. Et avoir aucun film en entier, ça va toi. Avoir la vie partagée. Tailladé, des prêts de souffle. Bercé par le ronron de l'air conditionné. Dormir dans un hôtel des lalés. Je ne les connais pas. Traîner du côté. Voir leur corps se serrer. Voir leur cœur se vider. C'est qui a chanté ça vraiment? Oui, c'est Nier. Hey! Un jour, il est là-bas. Et on le tient, on le tient. C'est toujours bon, faux, là, faux, bon, faux, bon, toujours faux, Jeff. Maintenant, je vais faire plus simple. On y va. Oh, oh, oh, oh, gilet beau, gilet beau. Gilet beau, lavabo, lavabo, gilet beau, gilet beau, lavabo. Oh, gilet jaune, gilet jaune. Gilet beau, gilet beau, gilet beau, lavabo, lavabo, gilet beau, gilet beau, lavabo, lavabo, gilet beau, gilet beau, lavabo. J'en ai une autre, continue, continue, continue. Gilet vraiment. Gilet vraiment phénoménal. Elle est pas accordée. Tu joues comme une merde. Tu joues comme mes mecs. Tu joues dans le métro, ils ferment la rame. Arrête. Ah, c'est bon. Mets-moi de la réverb. Tu mets de la réverb. J'ai de la réverb, Mathieu. Ouais. Une belle réverb. Ouais. Il est venu le temps des cathédrales. Continue. Ouais. Ouais. Non. A cappella. J'ai voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. On continue. Chanson de poète. Non. Ah non. Ah non. Si. Non, non, ne fais pas. Gilet kékette qui colle, gilet bonbon qui font les bons. Gilet kékette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Viens avec moi dans la clairière, tu verras de quoi elle a l'air. Et si tu montes jusqu'au grenier, tu pourras la. Et joyeuse comptine et farandole, gilet kékette qui colle. Hey. Attention, j'en ai un dernier. C'était... Oh oui, le dernier, il est beau, ouais. Il est beau, il est beau. Tout le monde pourra chanter avec moi. Il est où le bonheur? Gilet où? Gilet où? Il est là, gilet, il est là. Ah non. Il est là avec moi. Gilet où le bonheur? Gilet où? Gilet où? Il est là, gilet, il est là. Il est là. On a massacré toutes les chansons. Bravo, surtout Jeff. Hein. Comme une merde, t'as tout foiré. T'as tout foiré. Je rêve, hein? Non mais c'est lui, je rêve. Il m'a déjà fait le coup. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, taki, taki. Tienes un besito o un naki. Uy, explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le va a el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance.